Standard Matignon, bonjour. Ouais. Allô? Allô? M'entendez-vous? Je ne vous entends pas. Je raccroche. Rue de Varennes. De François Perrache. Cinquième saison. L'Arche d'Alliance. Et leur prophète leur dit, le signe de son investiture sera que l'Arche d'Alliance va vous revenir. Les anges la porteront. Voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyant. Sourate numéro 2, verset 248. 57, rue de Varennes. 24e épisode. Allô, c'est Edwige. Dis-moi, le président a fait tomber son alliance dans le lavabo de son cabinet de toilette. Tu pourrais m'envoyer un plombier, s'il te plaît ? Oh bah, je suis désolé, mais j'ai démonté tout le siphon, mais il n'y a rien. Ça a dû filer dans le réseau. Et là, à moins d'envoyer les égouttiers... Ouais, bon, bah on laisse tomber. Hein. On a tout ramassé, tout filtré sur plusieurs dizaines de mètres. Là, leur bague, elle est partie dans la Seine, à mon avis. On la retrouvera pas. Allô ? Bonjour, madame. Oui. Ah ben, si je me souviens... Oh, mais madame... C'est moi-même qui ai monté la bague de fiançailles d'Isabelle. Et... Ah. Oh. Ben, il faudrait que je ressorte mes outils de la cave, mais... Ah, Edwige. Tiens, je t'ai imprimé tous les gros plans que j'avais sur sa main gauche. Et je t'ai même fait un agrandissement. Mais pourquoi t'en as besoin, en fait ? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Présidence de la République, j'ai une enveloppe pour vous. Et vous devriez avoir un colis à me remettre. Oh, tout petit le colis, hein. Eh ben... Ah, merci, génial. Il va être content. Enfin, j'espère. Je sais pas ce que c'est, mais ça m'est précieux. Pour m'envoyer là-bas ? Très. Une bague ? Tu viens à mon pot de départ ? Bah, tout le monde vient à ton pot de départ. Ça va faire un sacré vide. Merci pour la bague. Avec plaisir, Edwige. Il était mignon comme tout, le petit vieux. Impressionné. Il me dit oh, je savais pas que ça existait, des billets aussi gros. Et il me demande tout inquiet si les sous dans l'enveloppe, il fallait qu'il les déclare aux impôts. Mes amis, ne prenons pas cette histoire de bague trop à la légère. Elle pourrait être l'allégorie d'une alliance diabolique. Soyez attentifs, mes amis, car c'est aujourd'hui que toute la vérité pourrait se révéler au Premier ministre Camille Fournier. Notre héros, encore nouveau parmi tant de héros qui l'ont précédé, ne comprend pas ce qui se trame en coulisses. Il a bien deviné que le président Gerland est en train d'ourdir une conspiration avec les ex-locataires de Matignon, mais il en ignore encore l'objectif réel. Persuadé qu'ils veulent empêcher le déménagement dans l'hôtel de Matignon, le Premier ministre Fournier pense même avoir découvert le lieu où les conspirateurs doivent se réunir secrètement. Oui ? Comment ? Bonjour ? Nous sommes samedi midi. Qu'est-ce que vous faites là ? Tout va bien ? Devant le domicile personnel de Françoise Miquel, oui, oui. La patronne du MEDEF. Je vous ouvre. Cinquième étage. Une délicieuse odeur monte aux narines de notre héros. Je vous dérange peut-être ? Non. Enfin, c'est-à-dire, je suis un peu surprise, mais tout va bien. On allait passer à table, là. Oui, je sais. Ah. Et je me suis invitée. Ah. Écoutez, avec plaisir. Venez. Mon mari a préparé un poulet. Votre mari est là ? Ben oui, on essaye de déjeuner en famille tous les samedis. Chérie, je te présente Monsieur le Premier ministre. Enchantée. Ma fille Sylvie, bonjour. Son compagnon Yacine et ma belle-mère. Enchantée, monsieur. Je ne partage pas du tout vos idées, mais je dois reconnaître que vous êtes aussi beau qu'à la télé. Maman. Mais quoi ? C'est vrai qu'il est beau. J'ai toujours trouvé les noirs. Maman ! Enchantée, madame. Et tout le monde est là. Vous n'attendez personne d'autre ? Ben non. Mais ne restez pas debout. Asseyez-vous donc. Oui, bien sûr. Mon chéri, tu peux ajouter une assiette pour M. Fournier, s'il te plaît. Ça vous va, Monsieur le Premier ministre, du poulet? Vous êtes bien sur la messagerie d'Élise Cluet? Je ne peux pas vous répondre actuellement. Vous pouvez laisser un message avec vos coordonnées. Merci. Salut Élise, c'est une revenante à l'appareil. Laurence Vignon. J'ai essayé de te joindre à la rédac, mais j'avais oublié qu'on était samedi. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé, depuis que j'ai quitté tout cirque en fait. Bref, je sais que tu t'attaques à un gros truc et j'imagine que tu subis déjà une grosse pression. Donc, j'aimerais t'aider. Vraiment. Parce que tu es une super journaliste et je m'en voudrais si t'arrivais des soucis. Bon, n'en parlons pas au téléphone. Je sais pas si t'es libre cet après-midi, mais je peux être à 14h au hammam de la Grande Mosquée, juste en face du Jardin des Plantes. Donc, si t'es dispo, envoie-moi un petit SMS. 14h ou plus tard, hein, si tu veux. À tout à l'heure, j'espère. Prends soin de toi. Bise. Avec la belle-mère en plus. Mais vous vous êtes raconté quoi pendant une heure? Bah rien. On s'est rien dit. Qu'est-ce que tu veux qu'on se dise? On mangeait en se disant des banalités. Dégueulasse en plus le poulet du mari. Comme sa femme. Trop sec. Vous avez parlé du déménagement de Matignon quand même. Même pas. À peine. Elle avait l'air aussi emmerdée que moi. Elle savait que je savais qu'elle avait vu Gerland tête à tête. Alors elle m'a inventé un bobard comme quoi ce dont elle avait parlé avec lui, c'était surtout qu'elle n'avait pas apprécié de ne pas être informée avant. Elle ment bien. J'y croyais presque à son bobard. Ils mentent tous tellement bien. Ah, j'ai aussi appris qu'elle allait inviter Nadine Bousquet aux universités d'été du MEDEF. La salope. Laquelle? Les deux. Oui. Pardon de vous déranger. C'est juste pour vous donner deux infos sur l'accident de Saint-Jean de la Ruelle. Ils ont interpellé le chauffard cette nuit. Ah. Et l'Élysée vient d'appeler au sujet des obsèques des enfants. Ah non, non. Arrêtez avec ça. Je n'irai pas, c'est pas ma place. Tu as tort, Camille, ça ferait du bien aux familles. Faire du bien aux familles à ce stade, c'est leur foutre la paix. Je n'irai pas. Justement, le président a tranché et vous fait savoir qu'il souhaite que vous n'assistiez pas aux obsèques. Ah, ah bon? Il ne veut ni Matignon ni aucun membre du gouvernement. Ah mais tout de même. Merci Pierre-Yves. On finit par entendre mon argument, il faut laisser ces gens tranquilles. Non Camille, en fait, Monet Penny m'a dit que le président voulait se rendre aux obsèques, mais qu'il voulait s'y rendre seul. Aucune décence. Camille, c'est normal que le président aille à ses obsèques. Mais j'espère qu'il va faire de jolies selfies. C'est photogénique, un petit cercueil. Bon, Armel, puisque t'es là, tu vas pouvoir nous aider, je pense. Avec Camille, depuis tout à l'heure, on cherche le nom de quelqu'un dont on n'a que les initiales. Dis-moi. Je suis tombé par hasard sur... Bref, j'ai lu un papier qui annonçait une réunion importante autour du président à laquelle j'ai pas été convié. Et il n'y avait que les initiales des participants. Alors certains étaient faciles à deviner, PR pour Gerland, CPC... Christian Perron-Chevalier. Voilà, PM, c'était pas moi, mais je suis pas invité. Pablo Mercadal. Je pense aussi, oui, puisqu'il y avait dans la liste TQ pour Kervélec. Bref, les anciens de Matignon. Du haut niveau, que de la première division. Mais il nous manque encore deux noms. QO, ça te dit quelque chose, Quentin? Quai d'Orsay. QO, évidemment, qu'on est con, merci Armel. Qu'est-ce que le ministre des Affaires étrangères vient faire dans une réunion sur l'avenir de Matignon? C'est l'ancien secrétaire général de l'Élysée. Il est resté très proche de Gerland. J'ai pas très bien compris, Camille. Une réunion avec le président sur l'avenir de Matignon sans toi? Tu veux que je demande à Monet Penny? Ce sera plus simple. Surtout pas, Armel. C'est du triple off, mais je pense que le président essaye de bloquer le déménagement de Matignon dans mon dos. Donc, l'inspecteur Fournier mène l'enquête. Monet Penny m'a juste dit que ton annonce avait un peu irrité le président. Gerland dit rien, mais je suis sûr qu'il va me saborder. Et je veux savoir avec qui. Et je vais leur casser les reins, un par un, à ces comploteurs du dimanche. Du samedi. Les comploteurs du samedi. Et il te manque encore un nom, tu disais? Oui, MM. Ça te dit quelque chose? MM? On n'a pas trouvé. Quelqu'un susceptible d'être l'interlocuteur en comité restreint du président et de deux ex-premiers ministres. Ça devrait pas courir la rue. Si c'est une réunion au sommet, ça pourrait être Michel Mardagnan. Mimi? Possible. Cette vieille peau est dans tous les coups fourrés. Pas bête. Mais qu'est-ce qu'elle ferait là, elle? Ce qu'elle fait depuis 50 ans. De la com, de la manipulation, des embrouilles. Elle peut aider à travailler l'opinion dans la presse, notamment, ouais. La vieille Mimi, pour finir de te savonner la planche, c'est crédible. Et tu sais où elle a eu lieu, cette réunion? Ça pourrait être une piste pour confirmer. Oui, chez Françoise Miquel. Je peux regarder dans la liste du CAC 40 et autres. Ton MM, ça pourrait aussi être un grand patron s'ils ont fait ça au MEDEF. Non, pas au MEDEF. Chez Françoise Miquel. Chez elle, perso. Ah, c'est pour ça que tu voulais son adresse. Mais c'est bizarre quand même. Une réunion chez elle. T'es sûr de ton coup ? J'étais sûr de mon coup, mais... En fait, la réunion de samedi n'a pas eu lieu chez elle. Et sans elle, en plus. Camille te racontera peut-être son déjeuner. Quel déjeuner ? Laisse tomber, Armelle. Je me suis planté. Et pourtant, c'était bien écrit que le déjeuner était chez Françoise. Et comme il n'y a aucune autre Françoise dans l'entourage... Quoi encore ? Chez Françoise ? Avec la belle-mère. Quoi ? Quelle belle-mère ? Chez Françoise. Quoi ? Mais quoi ? Chez Françoise, bonjour. Bonjour madame, présidence de la République. Est-ce que Pascal serait dans les parages, s'il vous plaît ? Oui, il est au bar. Je vous le passe, madame. Bonne journée. Merci. Monsieur Touré, pour vous, l'Élysée. Oui, allô ? Bonjour Pascal, je vous dérange ? Jamais, Moni Penny. J'allais vous appeler pour vous dire justement que je suis vraiment désolé, mais ça va être très difficile pour moi de venir demain à votre pot de départ. À 7h, on est en plein coup de feu ici. Non, je comprends tout à fait. Je vais avoir du temps maintenant, alors je passerai déjeuner tranquillement chez vous. Si vous me promettez qu'il y aura toujours des crêpes Suzette au dessert. Promis. Dites-moi Pascal, c'est certainement la dernière fois que je vous appelle pour ça, mais ça se confirme. Il faut m'organiser un autre déjeuner, mercredi. Même convive, même configuration que samedi. C'est possible ? On va s'arranger. Mercredi midi, 6 personnes, c'était ça ? Mm-hmm. Ils arriveront comme samedi au compte-gouttes, par l'arrière du restaurant. D'accord, même dispositif. Mm-hmm. On libère les accès côté invalide pour une dizaine de voitures ? S'il vous plaît. Et si possible, il faudrait prévoir un petit frichti pour une quinzaine d'officiers de sécurité. Pas de problème. Avec plaisir. Mercredi midi, c'est noté, 6 convives et une quinzaine d'officiers de sécurité. On bloque le salon privé. Oh, Laurence ! Qu'est-ce que tu fais là, ma chérie ? Eh ben, tu vois, je me fais un petit hammam avec une amie. Bonjour. Et on papote. Incroyable qu'on se retrouve ici. Incroyable, en effet. Tu me présentes ? Oh bah oui, bien sûr. Élise, je te présente Michel. Oh, tout le monde m'appelle Mimi. C'est quoi, Strachnar ? Comment ? Je suis vraiment conne. J'aurais dû me douter, Laurence, que si tu m'appelais après tout ce temps... Mais de quoi tu parles ? C'est bon, ça suffit. L'ex-conseillère presse de Gerland m'invite au hammam et on tombe, comme par hasard, sur Michel Mardagnan. Elle est un peu lourde avec la Panzer Division d'Élysée. Hein. Passez fort, mademoiselle Cluet. Nous sommes dans un lieu public. Je me casse. Laurence, j'aimerais dire que tu me déçois, mais je t'ai toujours détestée, en fait. Allons, Élise. Je ne vous autorise pas encore à partir. Vous ne savez pas ce que j'ai à vous proposer. Du fric. De mieux en mieux. Vous voulez me filer du fric ? Bah, entre autres, oui. Un peu d'argent aide toujours à fluidifier les rapports. Et surtout, on veut éviter un paquet d'emmerdes, Élise. Je rêve ! Ce livre sortira. Il est divertissant, votre texte, et il a même quelques bons passages. Sans doute finirez-vous par trouver un éditeur. Peut-être même aurez-vous droit à quelques interviews louangeuses dans une ou deux feuilles de chou. Mais vous pouvez déjà renoncer à travailler dans un média digne de ce nom pour le reste de ce qui aurait pu être votre carrière. Élise, ne prends pas les menaces de Michel à la légère. Je savais que cette vieille peau était prête à tous les sales coups, mais toi, Laurence... Je te pardonnerai jamais de couvrir ce crime. Parce que c'est un crime, un assassinat politique. Et vos mensonges n'y changeront rien. Comment t'as pu en arriver là, Laurence, toi ? Appelle ça la raison d'État, si tu veux. J'assume parfaitement de mentir pour protéger le président. Ce livre sortira. Vous allez faire quoi pour m'en empêcher ? Toujours vos petits dossiers merdiques ? Quelle vulgarité, mon Dieu. Évidemment, j'ai mes dossiers. Pas vous ? Élise, écoutez-moi. Votre génération a toujours détesté la nôtre, comme nous avons détesté nos parents. Mais quoi que vous en pensiez, nous avions des convictions. Vous pensez être meilleur que nous, plus honnête, plus moraux. Vous dénoncez nos vieilles pratiques. Quelle arrogance! Quelle innocence! On méprise la presse populaire, mais je l'ai toujours préféré aux plumitifs de votre espèce qui brandissait le drapeau de la démocratie, comme si vous en étiez les derniers héritiers. Croyez-moi, d'autres viendront après nous, après vous. Et il pourrait être bien pire. Les générations futures regarderont peut-être les dinosaures tels que le président Gerland ou moi-même, comme les derniers remparts avant l'avènement des monstres. Écoutez-moi, Élise. Écoutez-moi attentivement. Je n'hésiterai pas à mettre mes dernières forces dans la bataille pour vous empêcher de nuire au président et vous détruire, si c'était nécessaire. Mais je garde l'espoir que vous saisissiez vous-même la vacuité de votre combat. Et je veux rendre hommage à la dignité des parents et des proches et les assurer du soutien de la République dans cette épreuve qui les plonge dans une douleur indicible et pour longtemps inextinguible. Je veux aussi saluer le courage, le professionnalisme et le sang-froid de nos sapeurs-pompiers qui, avec l'appui du Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours du Loiret, ont permis d'éviter un bilan plus dramatique encore. C'est donc avec une émotion véritable que j'ai le plaisir et l'honneur de vous élever, Madame de Valence, chère Edwige, très chère Monet Béni, au grade d'officier de la Légion d'honneur. Permettez que je vous embrasse, car comme disait Sacha Guitry, je suis contre les femmes, oui, mais tout contre. Et hop, 9,15 €. Quoi ? Les récipiendaires de la Légion d'honneur ont droit à une rente symbolique de 9,15 € par an, les officiers. Les chevaliers, c'est 6,10 € seulement, par an. On distribue 720 000 euros par an de rente pour la Légion d'honneur et cette distribution coûte plus cher en frais de gestion. 800 000 euros. Encore une merveille du génie administratif français. J'imagine que c'est pour ça que Gerland a refusé que je supprime cette rente. Jamais tu t'arrêtes. Et en plus, tu te trompes. La rente, c'est uniquement pour les décorations à titre militaire, pas pour les civils. Ah bon ? T'es sûre ? Certaine. Et oui, même l'infaillible Camille Fournier peut se tromper. Elle va plutôt la féliciter. Monet Béni ? La féliciter pourquoi ? Parce que ça se fait, Camille. Ça se fait. Et en plus, je crois qu'elle t'aime beaucoup. Bon, bien félicitations, Edwige. Je vous souhaite une excellente retraite. Merci, monsieur le Premier ministre, de venir me saluer. On n'a pas eu beaucoup l'occasion de travailler ensemble, mais... C'est mon dernier jour, n'est-ce pas ? Vous oui. Permettez que je vous embrasse ? Ah, bien sûr, bien sûr. Ça a été un plaisir de travailler avec vous, Camille. Pour moi aussi, Edwige. Pour moi aussi. Écoutez, Camille, je voulais justement vous parler. J'ai quelque chose à vous dire. À moi ? Vous m'êtes sympathique, vraiment. Sympathique ? Moi ? Oui. C'est bien la première fois que... Il y a une chose que je n'ai d'ailleurs jamais osé vous dire, mais que je peux vous avouer ce soir. Oui. Vous me rappelez ma petite mère, ma mère adoptive. Ah. J'espère que vous ne le prenez pas mal. Au contraire, je suis touchée. Je n'ai pas vraiment la fibre maternelle, mais si j'avais eu un fils, j'aurais été fière et heureuse que ce soit vous. Que cela reste entre nous, mais de tous les premiers ministres que j'ai côtoyés, je crois que vous êtes mon préféré. Ah. J'ai recompté, j'en ai connu 17 depuis 1976. Non, 17 ? Dont deux femmes. Et un seul non blanc. Vous êtes mon dernier premier ministre. Et vous êtes de loin le plus mystérieux. Et pourtant, la plupart de vos prédécesseurs étaient souvent insondables. Je n'ai toujours pas compris cette soif du pouvoir, ce désir d'être aimé, avec tant d'obligations et en définitive, si peu de pouvoir. Le petit manège infernal de Matignon, coincé entre l'Élysée et les banquiers. C'est vrai qu'à Matignon, on exécute beaucoup, mais on décide peu en définitive. La course, toujours. Et l'avantage, quand on est pressé, c'est qu'on évite de penser. Vous savez qu'en réfléchissant à la réorganisation des services de Matignon, je suis arrivé à la conclusion qu'on pourrait carrément supprimer le poste de Premier ministre. Ça pourrait parfaitement fonctionner, et même mieux, directement entre le président et les directions centrales des ministères. C'est l'esprit de la cinquième. Oh. Je l'ai proposé à Pierre-Yves. Il a cru que je plaisantais. C'est ça. Nous, à Matignon, on exécute et on passe les plats. Alors, pourquoi s'infliger ça ? La plupart de vos prédécesseurs, c'était pour jouir de l'illusion du pouvoir. Mais vous, Camille ? Il faut bien que quelqu'un fasse le boulot. La France m'a tout donné, Monet Béni. Je peux lui rendre un peu. Au prix de tant de haine subie, je ne sais pas où vous trouvez la force. La plupart de vos prédécesseurs tenaient en s'accrochant à leur code de popularité. Les puissants voudraient être craints et aimés. Le beurre et l'argent du beurre. Mais je n'ai pas retrouvé en vous ce désir d'être aimé, au contraire. C'est ce qui les effraie et les désarçonne chez vous. En revanche, je n'avais jamais vu une telle obsession de la vérité. Je me suis toujours demandé d'où ça vous venait. Peut-être de mon adoption. J'ai toujours voulu savoir. J'ai toujours voulu connaître la vérité. C'est ça que je voulais vous dire, Camille. Cette chose toute petite, la vérité. Ça n'existe pas. Ne vous y épuisez pas. En tout cas pas au milieu de ces gens, pas à ce poste. Je ne suis pas sûr de partager cet avis, mais merci tout de même du conseil. Que cherchez-vous à voir dans l'agenda du président ? Pardon ? Quand vous avez fouillé dans mes affaires ? Non, ne mentez pas, Camille, je serais tellement déçue. Je le déplore, mais de nos jours, les caméras de surveillance sont partout, même ici, même au-dessus de mon bureau. C'est le responsable du PC sécurité qui est venu me prévenir. C'est un ami. Oh, pas d'inquiétude, hein. Je vous ai couvert. Écoutez, je crois deviner ce que vous cherchiez dans cet agenda. Vous savez, on se parle entre secrétaires, souvent à votre insu, messieurs. Toujours dans votre intérêt. Armel m'a dit que vous craignez pour le déménagement de Matignon, c'est ça ? Ça se confirme ? Germain va bloquer ? Vous êtes tellement loin du compte, Camille. C'est presque touchant de naïveté. Vous pensez vraiment qu'on réunit secrètement deux fois de suite quelques-unes des personnes les plus puissantes de France pour parler logistique ? J'ai beaucoup réfléchi avec la perspective de la retraite. J'ai fait le bilan d'une vie entière dédiée à la République, ou à ma modeste place. Si vous saviez les secrets que j'emporte avec moi. Comme dit le poète, j'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. Un gros meuble à tiroirs encombré de bilans, de vers, de billets doux, de procès, de romances, avec de lourds cheveux roulés dans des quittances, contient moins de secrets que mon triste cerveau. C'est une pyramide, un immense caveau qui contient plus de morts que la fosse commune. Je suis un cimetière abhorré de la lune où, comme des remords se traînent de longs vers qui s'acharnent toujours sur nos morts les plus chers. Les gens vous prennent pour un matheux, mais la poésie aussi, alors. Bon, je retiens tout. C'est parfois une malédiction. Ma petite mère adorait Baudelaire, elle me le récitait dans le bain. Quand je vous dis que vous m'êtes sympathique, j'ai beaucoup réfléchi, Camille. Je crois que j'ai une autre chose à vous dire. Une chose dont vous ferez bon usage, j'espère. Une chose que je dois vous dire. Oui. Vous connaissez Elisabeth Roussel ? Qui ? Elisabeth Roussel. Vous devriez l'appeler. Elle n'est plus tout à fait dans le monde des vivants. Mais qui est-ce ? C'était la directrice de cabinet de Jean-Philippe Belansky. À suivre. Rue de Varenne. De François Perrache. 24e épisode. Chris Nanguna, William Nadilam, Aline Lebert, Hervé Pierre, Marie-Armelle Deguy, Anne Deleuze, Anne Cantino, Anne Azoulay, Christiane Coendi, Emeline Bayard, Phil Bouvard, Tariq Bétahar, Jérémy Zilberberg, Jean-Michel Mollet, François Chet, Christine Arménou, Gérard Cherki, Jean-Alain Velardeau, Sophie Libri, Justine Dibling, Sébastien Faglin, Frédéric Dimney, Delphine Léonard et Valérie Giscard d'Estaing. Bruitage, Sophie Bissens, Élodie Fiat. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Remerciements à la SACD, Société des auteurs et compositeurs dramatiques, pour leur soutien et leur accueil. Prise de son, montage et mixage, Stéphane Desmonts, Émilie Couette. Assistante à la réalisation, Claire Chenon. Réalisation, Cédric Ossier. It's bad, you know.